encore. D'accord. Le dernier Women, donc leur deuxième album qui est sorti il y a pas trop longtemps. Enfin, du coup, ça sert à rien de dire ça. Peut-être que vous écoutez cette émission dans 12 ans. Mais... Women, donc ce groupe que tout le monde a oublié. Women, ce groupe qui est devenu le plus grand groupe de la Terre. Autre possibilité. Ouais, je sais pas pourquoi j'aime ce groupe en fait. C'est hyper. Comment dire? C'est hyper. Étrange. Ouais, bah, j'allais dire à cause de Kim Deal un peu. Enfin, c'est des mecs qui ont compris la même chose, Ouais, non? mais alors, leur premier album était impressionnant parce que, bon, il y avait trois chansons, trois vraies chansons sur ce disque, mais qui étaient merveilleuses. Sur ce deuxième album-là, il y a plus de chansons, et donc c'est prendre plus de risques, forcément. Mais j'y suis hyper attaché quand même, quoi. Je suis encore en train de le découvrir. Le problème de faire plus de chansons et que l'album soit plus long, c'est que on commence à sentir les gimmicks. C'est des gimmicks qui existent depuis des années, hein. On reconnaît du Joy Division là-dedans. Il y a toujours cette façon d'enregistrer les voix et de chanter, par contre, qui est très particulière. Ce qui peut déranger, c'est qu'on commence à sentir qu'un public qui pourrait écouter Women est en train de se former, en fait. On commence à pouvoir distribuer cet album à des gens particuliers. Et du coup, le passer dans un mix avec MIA et Ganja Sufi, c'est une revendication, là aussi. Voilà. C'est vouloir sortir un peu de la niche, c'est ça? Ouais. Alors, bah, pour le coup, je rapprocherai un peu ce que tu es en train de dire d'un groupe qui s'appelle Jail, avec deux L, qui est la prochaine sortie, ou l'une des prochaines sorties de ce label de Seattle, C'est pop. Sub Pop. Ah oui. Voilà, la pochette m'a pas mal intrigué, donc juste sur ça, sur la foi de ça, je me suis un peu plongé dans le disque et je l'écoute un peu en ce moment. Et j'aime beaucoup le morceau que je vais passer dans le mix. Et il y a pas mal de choses communes avec Women, dans le sens où là aussi c'est un groupe à gimmick. Il y a un truc qui est un peu con, c'est qu'ils sont potes avec Ryan Adams, Aïe, aïe, aïe. qui vient jouer de la guitare. Et alors Ouf. là, les solos ultra convenus de Ryan Adams. Alors qu'on sent que c'est un groupe qui gagnerait à être, et qui l'a sans doute été avant d'ailleurs, moins propre que ça, quoi. Ils ont Mais. passé l'étape, ils sont encore au-dessus de Women à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est un devenir possible de Women. Mais bon, ce mec, il a quand même une voix très très intéressante. C'est assez troublant parce qu'à plein de moments du disque, moi je pense à Why. Pas l'incarnation rap de Why. Why, quel morceau on pourrait citer Un morceau sur Alopecia ou le dernier Oui, plutôt Emotion. dans les derniers albums, les morceaux un peu rapides, mais même déjà sur le EP The Hollows, par exemple. voilà, ouais, ou plutôt parmi les trucs un peu rapides, tu sais, Your House, tu vois, enfin. Et encore, ça c'est This Few Presidents, il y a le refrain ralenti. Là, c'est pas ça. Jail, c'est. Le petit morceau de Why qui va mettre comme ça sur une face B de EP, Ouais. voilà. Genre Darla, quoi. Et ouais, et en plus, il y a un truc dans l'empreinte vocale qui est assez troublant par moments où on se dit, ouais, il y a un truc commun avec Yoni Wolf, clairement. Donc voilà, j'ai envie de passer ce morceau-là un peu pour les mêmes raisons que toi avec Women. Là, je me rends compte que j'ai fait. Donc, j'ai parlé de trois choses, trois voix agaçantes. Rien que pour Michel Clou. Magnifique. Pour soulager tout ça, le premier truc que j'ai noté sur la liste, c'est il faudra passer du Dark Leaf à une soirée concert de Michel Clou. Donc ça veut dire des gens qui seront là, qui écoutent du hip-hop, quoi, ou une certaine frange de hip-hop. Voilà, il faut. Là, c'est du militantisme, en fait. C'est extrêmement bizarre que ce groupe-là ne soit pas plus connu, quoi. Ouais, c'est assez fou. Parce que dans ce qu'ils essayent de faire, je pense que personne n'arrivera jamais à les égaler ou à faire mieux, quoi. Voilà. Dark Leaf, qui compte certains membres de Jurassic 5. Voilà, donc ils doivent quand même avoir cette satisfaction-là, entre guillemets, malgré la frustration effectivement que Dark Leaf n'ait pas spécialement marché. Enfin, je crois qu'ils ont fait En un fait, disque. Mais... c'est pire que ça, malheureusement, c'est que les Jurassic 5 qui jouent dans Dark Leaf ne jouent plus dans le Jurassic Ah 5, je oui. crois. Ils ont quitté le navire pour Pour faire se ça. consacrer à Dark Leaf, d'accord. Donc Alors, voilà. bah, exactement dans ta lignée, hein, des choses comme ça pour Affirmer, affirmer. mériter. J'ai envie de passer du Matt Velen, Quasimoto. J'ai envie de passer Off-White, le morceau. Là, en fait, en faisant un peu ma sélection dans, comme ça parmi les disques, je suis retombé sur ce disque d'Off-White. The Fifth Son. Voilà. Donc ça c'est un des artistes d'un label de Chicago qu'on passe relativement souvent, Galapagos. Et il y a une chanson qu'on passe tout le temps en fait, à presque tous nos mix, qui est vraiment... Celle qui est chantée par la fille. Oui c'est ça, une espèce de petit produit R&B au milieu d'un disque quand même très rap classique, quoi, mais qui est vraiment assez étonnant. Et puis surtout il y a ce son-là de percussion, quoi, qui est incroyable. J'ai envie de passer un extrait de Angels with Dirty Faces de Tricky. Je sais pas encore lequel, mais sans doute Money Greedy. Un peu de Last Poets, là aussi, parce que c'est... Ça, c'est parce qu'on va à l'école, quoi, finalement, quand on va Ouais. à un mix. Un extrait du Vast Air et Mighty My. Donc... Je devine lequel, je pense. Ouais, The Best Damn Rap Show. Vast Air étant une moitié de... Cannibal Cannibal Ox. Ox, d'ailleurs on pourrait aussi Ouais, passer du voilà. Cannibal Alors, Ox. justement, je me suis demandé si on passait du Cannibal Ox ou pas, parce que quand je parlais de. Le style de Dark Leaf est assez proche de celui de Cannibal Ox. Et j'ai l'impression que si on passait ça, on prêcherait des convertis, en fait. Parce que en même temps, on pourrait flatter ces gens-là et leur passer des chansons. Oui, non, mais t'as raison. C'est pour ça que c'est sûrement mieux de passer Mighty My Vast Air que Cannibal Ouais, Ox. parce qu'il y aurait cette empreinte vocale, quoi. Oui, ce public-là sera en terrain Connu. connu, mais pas forcément ce disque-là. Et puis, alors, pour finir là, toujours dans ce style-là, Themselves, parce que j'ai un disque de remix, et qui a un remix par Way que je trouve vraiment phénoménal. Le disque d'Owl One et Daddy Kev, Slanguage, parce que ça c'est pareil, on passe ça C'est un classique. très souvent, c'est un classique de... Nos mix. Et puis, deux, trois sorties peut-être de chez le label avec des très belles pochettes là. Bon, 6-2, Boom Bip, Ah, Lex. Tess. Ah voilà, le label Lex. Right. Bon, là aussi, parce que ça fait un peu aller farfouiller pour trouver ces choses-là. Donc. Respond that he's sorry to tell. I'm an uneasy time. That's all it's not worth. Come by here. on trial, good Lord, come by here. Come on trial, good Lord, come by here. Come on trial. La dernière chose que j'ai notée, j'ai pas beaucoup travaillé en fait, c'est passer des extraits du dernier Flaming Lips. Mm-hmm. Alors là, c'est bizarre aussi, album hyper attendu, ça gonfle, il sort, les critiques sont tous dithyrambiques, mais personne n'a écouté ce disque, j'ai l'impression en tout cas. Un disque hyper difficile à écouter, ceci explique peut-être cela. Alors, il faudrait passer la première chanson qui est... On peut pas lutter en fait face à cette chanson, et puis on peut pas trouver quelqu'un qui va dire que c'est pas intéressant. Mmh. Et puis peut-être être aventuré et passer d'autres extraits de ce disque là que j'écoute assez souvent. Je me fais violence à l'écouter en fait, et j'en sors assez satisfait à chaque fois. Voilà. Mmh. J'ai vu une interview du chanteur récemment qui est. Ultra touchante. Je pense que passer 5 minutes avec ce gars suffit à avoir une révélation. Et voilà, alors il explique notamment, par exemple, leur philosophie en studio, c'est d'être constamment sur chaque morceau en train de se dire ça y est, cette fois c'est la bonne, on a le truc. Ça explique pas mal de choses, notamment sur l'album précédent. Mmh. Et puis leur méthode, qui est celle à laquelle on pouvait s'attendre, qui est d'abord la chanson, et ensuite on s'amuse en studio, on bidouille, on cherche des trucs, des sons rigolos, et on peut passer une demi-heure à composer la chanson et trois jours sur les bidouilles. Et puis c'est un album qui confirme quelque chose que nous avaient dit les Delgados, je crois, que le génie de ce groupe, c'est le batteur, en fait. Wayne Coyne, c'est sûrement un génie aussi, faut pas déconner, mais Wayne Coyne, c'est aussi la façade, quoi, l'homme communication, mais j'ai l'impression, et sur le premier morceau de cet album-là, c'est la preuve ultime. Oui, oui, c'est vrai, je me souviens que c'était Stewart des Delgados qui nous avait dit ça, il nous avait dit « Réécoutez tout Flaming Lips, et notamment les derniers albums, avec cette perspective-là, c'est un groupe de batteurs, quoi. C'est lui qui écrit les morceaux. » Parce qu'il écrit les rythmes à la base, quoi. Et c'est vrai que c'est ça. C'est drôle parce que quand Dimitri m'a demandé qu'est-ce que vous allez mixer, cette espèce de question rituelle un peu bizarre entre DJ avant un mix. C'est ça, je vais mixer plutôt machin. Mixer house. Alors du coup, je lui ai dit, on va sûrement mixer pas mal. Tropicalia. Sur ta liste, il n'y a rien de... Ah non, mais en fait, comment dire, je ne l'ai pas mis parce que c'est évident qu'il y aurait de ça. Ouais, j'ai passé beaucoup, beaucoup de ces derniers temps à creuser encore plus là-dessus, là-dedans. Et... Est-ce que tu vas passer le disque de Chico Buarque avec Morricone? Ah bah, oui. En entier. Que ça, en fait. Moi, j'ai prévu Gal Costa, le disque de 69, que je trouve très bien. Oh, il y aura plein de choses. Du Chico Buarque, c'est sûr. Après, ça dépend du moment de la soirée, mais il y a des chansons de Bossa Nova magnifiques que je voudrais passer. Mm-hmm. Donc ça ira très bien dans ce... Enfin, je veux dire, définition, un mix à Saint-Étienne dans une ancienne friche industrielle, on passe de la Bossa Nova, quoi, et on mange des petits gâteaux. Alors, moi, j'ai noté aussi, mais finalement, pas tant de jazz que ça. Ouais, j'ai pas pensé. Alors que ça pourrait être, pour le coup, j'ai pensé à deux trucs de Coltrane que j'aimerais passer. Bah voilà, pareil. Enfin, moi, le fameux disque, c'est pareil, c'est un truc que j'aime passer à chaque fois, le disque de composition de John Coltrane, mais réarrangé par Alice, post-mortem, façon un peu psychédélique, avec un grand orchestre. C'est vraiment un disque assez magnifique. Toi, c'est quoi de... Dakar. Et puis, Ole Coltrane. Voilà. Pour avoir un disque jaune. Ouais. Peut-être un petit truc de Mingus Dynasty. Mais en retombant dessus, je me suis dit, bah, pour une fois, pas forcément Farewell Miss Valley. Parce que c'est un peu celui qu'on passe à chaque fois. Et en fait, j'aime bien Diane. Ouais. Sur ce disque. Mmh. Donc, voilà. Et puis après, bah, peut-être Changes de David Bowie. J'ai prévu du Bowie aussi. Ah. Ouais. Mais un album que j'ai beaucoup réécouté ces derniers temps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté ce disque. Et il est magnifique. Il s'appelle Lodger. C'est... alors, si je me souviens bien, ça a fait Low Heroes Lodger. D'accord. Et c'est le dernier disque avec Brian Eno, donc. Qui, contrairement aux deux autres, est fait uniquement de chansons. Et voilà. C'est que de très bonnes chansons. Et on pourrait faire le parallèle avec Blur, mais je sais pas si je vais oser passer du Blur. Ah si, enfin, tu voudrais passer. Alors, il faudrait que je te fasse la démonstration, en fait. Je sais pas si je le fais maintenant. Ah bah ouais. Sérieux? Allez. Bon, alors par contre, il faut que je retrouve les disques en question. Bah, je continue ma liste pendant ce temps. Vas-y. Un extrait de l'album solo de Thurston Moore, parce que je l'ai pas beaucoup écouté, mais que j'ai un très bon souvenir. Le dernier là ? Ouais, ouais, il est super. Le morceau d'ouverture notamment. Un extrait de Peloton des Delgados, plutôt en début de soirée. J'ai acheté un disque de Diana Ross qui s'appelle I'm Still Waiting, de 71 avec que des chansons d'amour lentes, très beau. Donc là aussi, en début de soirée, je me dis que ça va être chouette. Chemical Brothers, alors pour une fois, je ne vais pas passer 12 extraits de Surrender, mais plutôt aller piocher dans We Are The Night. C'est quoi ce disque ? Je crois que c'est une compile de morceaux rares. Ah ouais. C'est le dernier truc qu'ils ont fait. D'accord. Après, si je l'avais en vinyle, j'aurais aussi passé It Began in Africa. Mais... Ok. Bon, Otis Redding, Nina Simone. Moi, je voulais passer du Pink Floyd aussi. Ah, bah alors c'est drôle parce que je suis tombé sur le disque vache et je me suis dit. J'étais à deux doigts de le prendre, ouais. Moi, ça sera un extrait de Meadow, je pense. Meadow, ok. Et. Ah oui. Attends, pardon que j'oublie. Oui, bah très bien, Pink Floyd, tu vois. C'est... Je me suis dit, pareil, dans ce mix-là, ça colle. If you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Women of the world, take over, 'cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Thank you.

Allé jusqu'à télécharger une compile de nouveaux groupes brésiliens entre guillemets, ouais. Parce que le label qui a fait cette compile, le slogan c'était vous croyez que la musique brésilienne s'est arrêtée après la bossa nova et tropicalia, bah il y a toute une génération de groupes super intéressants, donc ils mettaient le nom du groupe plus entre parenthèses les Vampire Weekend brésiliens, la Beyoncé brésilienne machin. J'ai réussi à choper 4 titres, 3 pourris et un super bien, ouais. Je vais le mettre en cherchant les autres trucs. Alors ça s'appelle comment ? Le groupe s'appelle Minibox Lunar. Et là c'est classe. Je continue à chercher pour l'instant. Minibox Lunar. Minibox Lunar. J'ai un groupe avec du steel drum. Thank you. c'est drôle parce que produit autrement. Ouais, produit autrement, c'est japonais. Ouais. Ah, ouais, très bien. Et donc le truc de Bowie, y a une chanson sur Lodger qui s'appelle Boys Keep Swinging, qui est ça. J'ai cru, comment dire, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, je vais mettre au jour la plus grande escroquerie du rock'n'roll. Et en fait, c'est encore plus beau que ça, c'est que j'ai appris quelque chose. L'album Lodger, il est aussi intéressant parce que parmi les instructions de Brian Eno, fameuse stratégie oblique, ils ont décidé de utiliser la même grille pour trois chansons de l'album. Sur Lodger. Donc il y a trois chansons qui ont exactement la même grille d'accord. Mmh. Et Blur savait ça. Et donc ils ont décidé de, pour cette chanson qui s'appelle MOR, en fait Middle of the Road, d'écrire une chanson sur cette grille-là. D'accord. Aussi. Et alors ils ont poussé le vice très très loin, c'est que c'est la même grille d'accord, mais aussi les mêmes idées d'arrangements vocaux, etc. Et j'ai appris que Brian Eno a porté plein de comptes Blur d'ailleurs. Et donc maintenant le morceau est crédité. Albarn, Coxon, bref, les 4 Blur, slash Bowie, slash Eno. Ah ouais. Ouais. Donc, je serais sûrement pas le premier mec à passer ces deux chansons-là l'une à côté de l'autre, mais voilà, ça peut avoir un effet marrant. Ils sont quand même intrigants, cette trilogie Bowie-Eno, là. Je sais pas, est-ce qu'il y a des livres qui ont été écrits là-dessus? Il y a un livre sur Lowe, ouais, je sais, sur la fabrication, l'enregistrement du disque, ouais. Ouais, je serais curieux de me plonger là-dedans parce que c'est le genre d'album où on sent qu'il y a tellement de choses derrière quoi. Alors c'est avéré, on n'entend que le résultat mais justement sur Lodger, la dernière collaboration, on sent, quand tu écoutes tu sens que c'est la dernière collaboration en fait. Je dis ça parce que j'en ai lu aussi des rapports, mais c'était il fallait que ce soit à la fin quoi. Assez rapidement, voilà. Ouais, on reviendra peut-être dessus d'ailleurs. Peut-être qu'on fera un module sur la trilogie. À fond. Parce que en fait, c'est un peu écouter cette trilogie en essayant d'être très attentif. C'est un peu comme réécouter In a Silent Way et se rendre compte qu'il y a deux passages exactement identiques et que très peu de gens parlent de ça dans des articles ou dans des livres, y compris sur In a Silent Way, quoi. Y compris dans le livret de In a Silent Way, qui est pourtant assez bien écrit et documenté. Et du coup, ce serait intéressant d'essayer de faire des hypothèses un peu juste sur la foi de l'écoute, sans forcément se plonger dans la biographie, quoi. Mais... J'en étais où? Je voudrais passer. C'est pareil. C'est un, à la fois un classique et une sorte de postulat aussi. I Still Get Rocks Off de Blonde Redhead. Parce que c'est bien malheureux, mais. C'est bon, tu peux t'arrêter. Voilà. Je voudrais passer sans doute une chanson de Kawaii, qui est un groupe français assez. Bah, si je te dis Kawaii, tu penses que ça va être quoi comme genre de groupe? Des fans de Chibomato et de... Ouais, c'est ça, un peu bidouille. Donc ils ont bien choisi leur nom et c'est... Ouais, y a de belles choses. Je voudrais passer peut-être un truc ou deux de UI. Moi, je voulais passer du UI Lab. Ok. Voilà. Je sais plus si dans UI il y a des membres de Stereolab ou si c'est juste UI Lab qui est la collaboration. Je ne sais pas. UI Lab c'est UI plus Team Gain. Évidemment, ils font chanter Laetitia Sadier et Marie Hansen dessus. Mais je pense que UI est un groupe à part. Ouais. Ouais. Je sais pas exactement. À vérifier. Ouais. Je voudrais passer Moran, M-O-R-A-N-E. Une fois, on était entré dans un magasin. Il y avait ce morceau-là, qui était un truc incroyable, et j'étais ressorti du magasin avec. Et c'est un, je crois que c'est un allemand, c'est un morceau, c'est un peu comme, tu sais, à une époque, j'aimais bien passer dans les mix Menserins. Bah là, c'est un peu, c'est assez proche, c'est de l'électro, mais fait avec des vrais instruments. Sauf que là, il se passe un truc génial, à 3 ou 4 endroits du morceau, il y a un trou, c'est-à-dire que d'un seul coup, le thank you. Let me out. Me out. Would you please, please let me out. Let me out. Let me out. You're not here. Not here. It's been long that you've been here. You're not here. You're not here. Awful thirst. Big thirst. It's an awful, awful thirst. Awful thirst. Awful thirst. Fall asleep. Asleep. I finally fall asleep. Fall asleep, fall asleep. Yeah, but